Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire en confinement, Yuli et Eleonora Turovski. Quand je joue quelque chose, je suis sincère. Je sens cette musique et si je ne sais pas quoi faire avec cette musique, peut-être je ne veux pas le prendre. Donc la sincérité artistique, je pense que c'est la chose la plus importante. Yuli Turovski au micro de Françoise Davoine en octobre 2003, violoncelliste de très grande réputation en URSS. Yuli Turovski débarque à Montréal avec son père, sa mère, sa femme, Eleonora, et sa fille Natacha en 1977. En plus de créer l'ensemble Imuzici de Montréal en 1983, Yuli Turovski et sa femme, Eleonora, vont contribuer de manière très significative à l'enrichissement du monde de la musique chez nous. Ils sont tous les deux passionnés de musique et avec cette passion, justement, ils vont transmettre aux plus jeunes les musiciens à qui ils enseignent ou ceux avec qui ils travaillent, ils vont transmettre cet amour de la musique qu'ils ont et la vision aussi de ce que doit être pour eux la musique dans nos vies. Pour nous parler du parcours exceptionnel de Yuli et d'Eleonora Turovski, pour mesurer aussi le legs musical qu'ils nous ont laissé, je reçois Catherine Perrin, qui est animatrice de l'émission Du côté de chez Catherine, qui a été musicienne à l'ensemble Imuzici pendant une quinzaine d'années. Catherine Perrin, bonjour. Bonjour, Jacques. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est une série d'émissions spéciales qu'on fait pendant cette période de confinement avec des collègues comme vous qui venaient à Radio-Canada de toute manière ou peuvent, à partir de la maison, nous parler d'une histoire qu'ils connaissent bien. Et l'histoire des Turovski, vous la connaissez bien et vous aviez surtout, Catherine Perrin, envie de nous en parler. Oui. Quand on vous a contacté pour cette série d'émissions, tout de suite, vous avez dit, il faut faire les Turovski. Pourquoi? Parce que les Turovski, d'abord, attachement. J'écoutais la voix de Yuli, puis j'en avais presque une grande émotion. En fait, je n'avais pas beaucoup réentendu sa voix depuis son décès en 2013. Eleonora était décédée, elle, en 2012. Je les ai, comme vous l'avez dit, côtoyés pendant une quinzaine d'années. Je leur dois beaucoup. Et aussi parce que leur parcours à eux s'inscrit dans l'histoire du 20e siècle, avec tous ces chambardements qu'on a connus au 20e siècle. Ils en sont des témoins directs du monde soviétique qui n'existe plus. C'est une famille juive qui a dû s'exiler et qui a choisi le Canada. Et puis surtout, vous l'avez dit dès le début, Jacques, parce qu'ils ont laissé un legs musical important. Ouais. Avec Imuzici déjà, mais plus que ça, il y a une vision. Puis ça, vous l'avez connu, ils vous en ont beaucoup parlé. Yuli, quand vous montiez des concerts, vous parlez de sa manière de voir, de comprendre la musique, d'interpréter la musique. On va y venir dans un instant, mais un petit mot quand même sur les Turovski avant leur arrivée ici, parce que, vous le disiez, ils sont témoins de leur temps, acteurs de ce 20e siècle, qu'il faut s'en souvenir, pour les plus jeunes en tout cas, qui est divisé, le monde est divisé en deux, le bloc de l'Est d'un côté, le bloc de l'Ouest, capitaliste de l'autre, et ils connaissent bien, ce sont des enfants, guillemets, de l'URSS. Absolument, ils sont formés, je dirais pour le meilleur et pour le pire, parce qu'ils ont d'excellents professeurs. D'ailleurs, on m'a déjà expliqué que très jeune, à cette école préparatoire là, pour enfants doués. Ils ont des professeurs qui seraient de calibre conservatoire, calibre universitaire, mais qui, pour des raisons politiques, parce qu'ils sont juifs des fois, ont été refoulés vers des écoles inférieures. Mais ça permet à des jeunes d'avoir d'accès à des grands, grands maîtres, pas simplement en musique, mais même dans les matières théoriques, en philosophie, en littérature. Ils en parlaient, les Turovski, de ces grands professeurs qu'ils ont eus. Et puis, ils se rencontrent à 16 ans, tous les deux. Ils se rencontrent à l'école pour enfants doués, justement, de Moscou. Et là, c'est le conservatoire, les grandes classes. Yuli va gagner des concours extrêmement importants et il va donc devenir un soliste réputé. Il est engagé par Rudolf Barschai pour le très célèbre orchestre de chambre de Moscou. Ils ont une belle carrière là-bas. C'est pas ça le problème, là. Mais évidemment, c'est la vie qui est pas facile. Bon, ils vivent, ça, ils s'en sont jamais plaints tant que ça, mais ils vivent quand même là, à 35 dans un 8 pièces parce qu'on a divisé les grands appartements et on dit qu'il va y avoir une pièce par famille. Puis vous allez avoir une salle de bain pour tout le monde. Et la vie est difficile, sauf que c'est surtout le manque de liberté qui cause problème et qui va faire que finalement, ils vont décider de partir. Mais la vie musicale, là-bas, c'est d'une intensité folle. Là. C'est des grandes années de composition, de compositeurs russes comme Shostakovich. Ils sont parmi les plus grands dans ce régime qui, puis on y vient dans un instant, qui vraiment impose des contraintes très strictes, une liberté plus que limitée. Mais ils font quand même, ils ont quand même la chance d'appartenir à ces artistes qui font la gloire du pays. Parce qu'à l'époque, hein, il faut le rappeler, mais les athlètes, les artistes, quand on était athlète d'élite, artiste d'élite, Bon, il y avait quand même une certaine... Certains privilèges, ouais. Mais quand on est juif, vous pouvez couper de moitié les privilèges qu'il y avait. C'était très dur pour les juifs, là. Ils se faisaient traiter de... Ella raconte, Elonora, qu'elle s'est fait traiter de sale juive dans des magasins. Ouais. Puis ils avaient une étampe, encore, là, ils avaient une étampe juive marquée dans leur passeport. Et ces contraintes très, très fortes sur le plan de la liberté et de la liberté d'expression en particulier, il y a une pièce que va reprendre, quand il aura créé Musichi de Montréal, que va reprendre Yuli Turovsky plus tard. C'est la symphonie numéro 14 de Shostakovich, puis il y a une histoire que vous allez nous raconter tout de suite après en avoir entendu quelques mesures. Рак протухший салоник отбросы скверный сон, что нельзя рассказать. Окрепевший гнилой и без носа ты родился, когда твоя мать извивалась, корча от носа. Il y a une histoire, Catherine Perrin, autour de cette pièce-là, qui est très représentative du climat qui règne en URSS au moment où Yuli et Eleonora y sont. Ouais. Oui, il joue, lui, dans l'orchestre de chambre et on va créer cette symphonie-là. On est sur le point de la créer en 1969. Shostakovich a eu déjà toutes sortes de démêlés avec le régime. Sa symphonie précédente, la 13e, a été vivement critiquée. Et là, il remet ça, c'est-à-dire qu'il écrit une symphonie en 11 mouvements. C'est 11 poèmes sur la mort, qui est un sujet pas mal tabou. À l'époque, certains sont même des espèces de messages à peine voilés contre le régime. Et là, il y a une rumeur que le concert va être annulé par les autorités. Alors, l'idée est lancée d'organiser une répétition publique ouverte. Ouais. Une répétition ouverte en guise, finalement, pour être sûr qu'au moins une part du public de Moscou pourra entendre. La salle du conservatoire, c'est 500 personnes, mais là, il y en a plus de 1000 parce qu'il y a le téléphone arabe, tout le monde entend ça. On se bouscule dans la salle. Et pour une des rares fois, Shostakovich prend la parole. Et Yuli nous disait toujours à quel point c'était un personnage, c'était une drôle de bibitte, là, très, très, très rentré, un homme de peu de mots. Et cette fois-là, pour une rare fois, on l'entend vraiment tenir des propos assez clairs. Là. Et en même critique du régime. Mais j'allais dire, j'ai dit clair, mais en même temps, toujours avec un peu des métaphores pour entourer les choses. Mais il va faire allusion au fait que ce qui reste, le thème de la mort est là, parce que ce qui reste, qui fait qu'on est jugé après notre mort, c'est pas la gloire qu'on a portée, le titre qu'on a porté, mais c'est ce qu'on aura fait, les choix qu'on aura fait dans notre vie, des messages assez clairs. Et donc, le concert a lieu dans une grande émotion, puis à un moment donné, on entend quelqu'un sortir pendant un mouvement très doux, quelqu'un qui sort là, de manière un peu précipitée, et après, les musiciens vont apprendre que c'était un des plus féroces critiques de Shostakovich, Apostolov, qui est sorti se sentant mal. Il décide de partir, mais parce qu'il se sent mal et qu'il va effectivement, c'est trop... C'est là que la réalité dépasse la fiction, qu'il va mourir d'une crise cardiaque en sortant de la salle. Foudroyé. Foudroyé peut-être un peu par les propos de Shostakovich. Ouais. Ouais. Donc ça, c'est très, très révélateur de ce climat ambiant qui est difficile et qui fait que même, encore une fois, s'ils ont une belle carrière, Yuli Turovsky et sa femme, Eleonora Turovsky, décident de partir. Oui. De quitter l'URSS. Ils arrivent à Montréal en 1977. Alors, de quelle manière ça se fait? Il y a déjà, je vois les auditeurs, j'imagine les auditeurs là, à s'imaginer toutes sortes de scénarios, de comment ils font tout. Pour passer à l'Ouest. En fait, non, parce qu'ils ont fait... On pouvait faire une demande pour quitter l'URSS. Le problème, c'est que... Et c'est pour ça qu'ils ont hésité longtemps. Yuli se sentait très responsable. Son père et sa femme, Eleonora, étaient très, très motivés, vraiment décidés à quitter. Mais c'est leur fille Natacha qui m'a raconté ça. Mais Yuli se sentait très responsable parce qu'il savait que si la demande était rejetée, on devient des parias à cette époque-là. On peut être privé du peu de liberté qu'on avait encore. On devient sous haute surveillance. Alors, ils vont avoir la chance de tomber dans une espèce de fenêtre d'opportunité où, à ce moment-là, le gouvernement a besoin de se faire un peu de crédit, de retrouver un peu de crédit à l'échelle internationale. Et ils vont tomber sur une fenêtre où on accepte quelques demandes. Ils en profitent. Mais sauf que quand ils ont la réponse, on leur dit « Vous devez être parti dans un mois. » Et ils ont la réponse au moment où ils ont la lettre, là. Il reste même rien que 3 semaines. Alors, ils vont devoir organiser ce départ-là. C'est pas une fuite, mais ils vont presque devoir l'organiser comme une fuite. En 1976, ils vont passer quelques mois en Italie et après se retrouver au Canada. Vraiment, j'ai demandé à Natacha, mais pourquoi le Canada? J'avais jamais su. Et c'est complètement anecdotique. C'est Vladimir Spivakov, un grand, grand violoniste avec qui Yuli travaillait beaucoup en URSS. Il y a une chanteuse qui est venue travailler avec lui pour un projet qui vivait au Canada. et qui a dit, vous savez, c'est bien, Montréal, vous pourriez songer venir si un jour... Et Natacha me disait, on n'avait aucune idée de ce qui se passait ailleurs dans le monde, et mon père avait retenu ça. Donc, c'est ce qui a fait, ni plus ni moins, qu'ils se sont retrouvés au Canada en 1977. Ils s'installent, puis bon, Imusici va venir un peu plus tard, mais entre-temps, il y a l'enseignement, il y a pour Yuli, un trio qui s'appelle le Trio Borodine. Ils font de la musique, là. Ils font beaucoup de musique. Ils sont engagés comme solistes, duettistes, en trio, comme vous l'avez dit. Yuli va se mettre à jouer avec le Trio Borodine, avec qui il va avoir une grande carrière en parallèle, une carrière internationale en musique de chambre. Et ils enseignent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pendant plusieurs années, Yuli a commencé à enseigner au conservatoire dès son arrivée. Eleonora a commencé à enseigner aussi tout de suite. Et après, ça va être à l'Université de Montréal, tous les deux. Mais donc, ils forment des élèves. Et pour eux, ces activités-là se tiennent complètement. Et c'est là que l'idée de fonder un orchestre va venir. Après plusieurs années, 6 ou 7 ans, ils commencent à avoir une base de jeunes musiciens formés un peu selon l'école, selon le son qu'ils cherchent. Et là va venir l'idée, parce qu'ils ont déjà enregistré plusieurs fois pour Radio-Canada. Et c'est Yuli qui va proposer à Radio-Canada, est-ce que vous voudriez, j'ai envie de former un orchestre avec des bons musiciens, des élèves à nous. Je vous proposerai d'enregistrer une série de concerts avec l'opus 6 de Handel, les concertos grosso. Il y en a 12. Et à sa grande surprise, il le raconte, Radio-Canada dit oui, alors que lui était toujours habitué d'entendre « niet » en Union soviétique. Là, on lui dit « ben oui, pourquoi pas ». Donc, ce qu'on entend, en fait, Catherine, c'est pas l'enregistrement de Radio-Canada. Non, mais c'est l'œuvre. C'est voilà. Les œuvres qui ont été enregistrées en premier par Imusici, mais celle-là, cette version-là, c'est reprise pour le disque, pour la compagnie Chandos, pour laquelle Imusici a enregistré, mon Dieu, des dizaines de disques. Parce que cet ensemble-là va effectivement enregistrer beaucoup de disques, va se promener partout dans vraiment, le monde. Vraiment, Imusici a été un succès rapide et un grand succès. Vraiment beaucoup de tournées, effectivement, puis des concerts. On allait quelque part, puis Imusici était redemandé après. Là. C'était avec des solistes canadiens aussi. Ils ont tourné avec Anton Curti, avec plusieurs solistes canadiens. Et Imusici, ce qui est formidable, c'est que les Tourovski avaient été tellement brimés quant au choix de répertoire en Union soviétique. Vous savez, à une certaine époque, en Union soviétique, il fallait demander une autorisation pour jouer certains compositeurs comme Ravel ou Bartok ou Alban Berg. Et là, il arrive ici, puis il n'y a plus de permission à demander à personne. Et là, c'est le bar ouvert, c'est des enfants dans un magasin de jouets. Alors, ils vont aller dans toutes sortes de directions, aussi bien sûr, le grand répertoire pour orchestre à cordes, mais aussi la musique baroque, on vient de l'entendre, mais aussi des instruments atypiques. On va faire à un moment donné un concert avec un Sud-Américain qui jouait de la flûte de pan. On va faire des concerts avec le cor des Alpes, avec toutes sortes d'instruments atypiques et aussi du répertoire audacieux, varié toujours. Oui. Et puis, une vision très nette de la part. Puis on se rapproche au fond de votre participation, de votre passage à Imusici, à Catherine Perrin, parce que vous l'avez vu, ça, vous l'avez entendu, vous l'avez vécu, cette vision très claire qu'avait Yuli Turovski de comment doit être la liberté, on y revient, la liberté qu'un interprète, qu'un musicien doit avoir dans l'interprétation d'une œuvre. On en écoute un extrait de ce que ça peut donner. Puis vous allez nous parler de ce qu'il vous disait, le maître, quand il vous disait « Allez-y avec vos tripes ». Un très bon exemple de ça, une pièce d'Alexandre Borodine. Thank you. Ce qu'on entend, cet extrait du quatuor d'Alexander Borodine, Catherine Perrin, c'est un très bon exemple de cette liberté dans l'interprétation. Mmh, lyrisme ouais. poussé très, très loin. Ça, c'est important, c'était vital pour Oui, c'était Tourofsky. Vital pour lui. Et ce qui est formidable, c'est d'arriver à le faire faire à tout un orchestre. Vous vous rendez compte, ces roubateaux-là, extrêmement expressifs, là, il y avait un tel contact entre Yuli, les musiciens jouaient debout, ce qui était assez révolutionnaire à l'époque. Maintenant, il y a plus d'ensembles qui font ça. Et ils se regardaient les yeux dans les yeux, là, puis c'est pas un chef d'orchestre qui avait une grande technique comme chef d'orchestre, mais il avait un magnétisme, puis une façon de faire de la musique avec ses musiciens qui était assez extraordinaire. Et c'est intéressant, Jacques, ce paradoxe, parce que je disais à quel point ils avaient manqué de liberté en Russie. Oui. Sauf que il manquait pas de liberté pour s'exprimer dans la musique. Au contraire, c'était leur exutoire privilégié. Donc, cette façon de tout donner en jouant de la musique, là, ça a été cultivé, je dirais, presque grâce, entre guillemets, ou à cause de ce régime répressif. C'était la valeur refuge, cette liberté d'expression dans la musique. Et ils se donnaient à fond. Et Yuli a toujours revendiqué, il a toujours dit, ne me parlez pas d'objectivité en musique, je ne crois pas à ça. Moi, je revendique le droit d'imprimer ma personnalité. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça, mais pour moi, c'est vital, c'est une façon de faire à laquelle je crois profondément. Puis il y a même cette expression, il disait, je considère qu'une œuvre de musique a un père et une mère. Le père, c'est le compositeur. La mère, c'est l'interprète. Et moi, je revendique le droit, finalement, que quand je joue une œuvre, elle ressemble plus à sa mère qu'à son père. Il ne croyait pas que cette espèce de neutralité, de mettre le compositeur devant tout, était la bonne voie. Il vous poussait à faire ça. Il nous poussait beaucoup, ouais. effectivement. Le répertoire, vous en avez un petit peu parlé. Ils arrivent ici, puis c'est vraiment... Je pense que vous dites c'est le plat de bonbons, mais c'est la liberté complète. Oui, on peut choisir ce qu'on veut. Mais il vient d'où il vient, Yuli Tourofsky. Ce qui fait qu'il va sciemment dans le choix des compositeurs qu'il va décider d'enregistrer. Il va choisir des gens qui, comme lui, ont connu ce bloc de l'Est. Que nous dit ce concerto d'Alfred Schnittke sur la musique que va faire Imusici? Bien, alors, Alfred Schnittke, c'est justement un de ces compositeurs, là, qui, vous le disiez, qui ont connu cette oppression et tout, et qui, vous entendez le côté très exalté, puis inquiète, cette musique-là. À d'autres moments, cette œuvre-là, qui est un concerto grosso pour deux violons, clavecin, piano préparé et orchestre, à d'autres moments, ça devient extrêmement sarcastique, cynique. Il y a une espèce de faux tango complètement déglingué là-dedans. Donc, il y avait dans cette musique-là tout, je dirais, cette espèce de volonté de s'exprimer, de passer des messages. Et Yuli a vraiment gardé contact avec ces compositeurs-là. Alfred Schnittke, Edison Denisov, Rodion Schedrin. C'est des compositeurs qui l'a mis au programme, qui l'ont enregistré, mais aussi énormément de Shostakovich. On a entendu tout à l'heure un extrait de la symphonie numéro 14, mais ils ont enregistré beaucoup d'autres choses de Shostakovich. Et en tournée, c'était très demandé, évidemment, partout où Imusici allait, parce que Shostakovich, joué par les Tourofsky, par Imusici, ça atteignait justement des sommets en termes de capacité d'aller à l'intérieur de l'œuvre, de ses codes, des messages qu'elle pouvait pouvait receler aussi. Ouais. Vous avez été là, donc, une quinzaine d'années. On va parler de ça quand même, du souvenir plus personnel, peut-être, que vous avez de Yuli Tourofsky. Qu'est-ce que vous retenez de cette période-là? En fait, ce que je retiens, c'est... Moi, c'est sûr que je suis claveciniste. Alors, je ne jouais pas dans tous les concerts, puis je ne jouais pas dans toutes les œuvres non plus. Mais je les ai beaucoup côtoyées. J'ai des amis très proches qui ont été là presque tous les jours de leur carrière, parce que c'était vraiment des membres fondateurs de l'orchestre qui ont été là presque depuis leur début. Alors, ce que je retiens d'eux, c'est surtout leur façon de transmettre la musique, de transmettre cette espèce de nécessité de s'investir complètement dans la musique. Moi, je revois M. Tourovski souffrant physiquement parce que c'est un homme, il a déjà dit dans une entrevue, vous savez, le mot tendinite, moi, je n'ai pas connu ça, je n'ai pas appris ce mot-là avant d'arriver en Occident. Là-bas, en Russie, on travaillait 6 heures, 8 heures par jour notre instrument, puis on avait mal partout, mais c'était normal. Et donc, il a vécu ici aussi avec la douleur physique longtemps. Parce qu'entre autres aussi, il souffrait de la goutte. Puis on le voyait des fois, la patte en l'air avant un concert, en train de réfléchir au concert, de passer des messages à des musiciens, oublie pas telle chose, puis dans tel mouvement, va un peu plus vers là. Puis tout d'un coup, se lever pour aller diriger. Puis on le voyait qui souffrait physiquement. Même chose pour Ella aussi. Par moment, on le sentait. Donc, il y avait ce besoin par-dessus tout de s'investir dans la musique qui est extrêmement fort. Et de transmettre. Très inspirant. Et de transmettre. Alors, les élèves, c'était justement... Et c'est pour ça que je parlais de leur attitude avant un concert, c'est que c'était des fois même des élèves qui étaient encore des élèves qui venaient compléter les effectifs de l'orchestre. Et sinon, ben, tranquillement, la relève se préparait. Et l'enseignement, là, la maison des Tourovski dans Notre-Dame-de-Grâce, c'était une fourmilière. On pouvait entrer là... Je vous mens pas, là, jusqu'à 11 heures le soir, il y avait souvent des élèves, c'était sur 2 étages. Des fois, il y a un cours qui était en train de se donner par Ella dans son studio en haut. Elle avait renvoyé un autre élève travailler en bas parce qu'elle voulait qu'il améliore quelque chose. Yuli pouvait être en train d'enseigner dans le salon. Il pouvait avoir un autre élève en train de cuisiner, littéralement. Et puis, ça bougeait comme ça tout le temps. Après les concerts, c'était souvent justement le thé chez les Tourovski. Puis des fois, ça, c'est Natacha qui me l'a dit. Moi, j'ai jamais assisté à ça, mais Natacha m'a dit, des fois, ma mère, après le concert, avoir pris le temps avec les amis et tout, disait vers minuit, bon, je vais aller pratiquer un peu, juste parce qu'elle avait besoin tout d'un coup de jouer. Parce que c'était un besoin viscéral pour eux, la musique. En un mot, le temps file rapidement, mais le legs principal de Yuli et d'Eleonora, des Tourovski. Oui. Bien, le legs, c'est 2 branches, finalement. Il y a Imouzichi de Montréal qui existe toujours, qui est maintenant dirigé par Jean-Marie Zaitouni, qui est un grand musicien très charnel aussi. Il y a quelque chose qui est resté dans le son des musiciens, aussi une chaleur dans le son qui est restée. Puis l'autre branche, on pourrait dire, juste avant sa mort, Yuli, parce qu'il y a eu un schisme, il faut le dire, là. Yuli qui fonçait justement toujours, malgré la souffrance, malgré la maladie, malgré le Parkinson très avancé. Ben Yuli, à un moment donné, l'orchestre Imouzichi a dû lui dire, Monsieur Tourovski, ça se peut plus. Et lui, voulant pas s'arrêter, a fondé un autre orchestre qui s'appelle l'Orchestre Nouvelle Génération, qui est maintenant sous la responsabilité artistique de sa fille, Natacha Tourovski, qui fait des expériences étonnantes, intéressantes, mélange de Shostakovich, justement, remixé par des DJ, entre autres, il n'y a pas si longtemps. Donc, l'esprit des Tourovski, qui a continué comme ça. Catherine Perrin, c'était un bonheur de vous recevoir, animatrice de l'émission du côté de chez Catherine. Merci beaucoup. Merci à vous. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui d'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.